toujours sur les ondes de CKRL au 89.1. Alors, nous poursuivons l'émission sur le thème du sirop d'érable, mais dans la prochaine demi-heure, nous allons élargir le thème vers d'autres horizons et d'autres disciplines. Alors, on commence avec Philippe Rioux qui nous donne un tour d'horizon du sucre à travers le monde. Bonjour, Philippe. Bonjour. Oui, je voulais un petit peu élargir dans le fond nos horizons. C'est parce que, tu sais, ici, c'est vraiment le sirop d'érable, puis on l'oublie parfois à cause de son omniprésence ici, mais le sirop d'érable, c'est une spécialité très, très, très régionale, en fait, là. Le Québec produit 75% de sirop d'érable dans le monde. Donc, quand vous voyez une cabane à sucre ici, attendez-vous pas à en voir ailleurs. Peut-être juste au Vermont, en fait. Ouais, là. En Nouvelle-Angleterre, peut-être. Mais le Vermont fait à peu près 15%, nous 75%, le reste, très minoritaire. Donc, c'est donc dire que les cabanes à sucre, c'est quelque chose de très rare en dehors de nos frontières. Donc, lorsque les colons français sont arrivés ici, le sirop d'érable était une source quand même importante de sucre, disons à leur échelle. Et tout ça m'a amené à explorer, dans le fond, les diverses sources de sucre dans le monde, surtout actuellement, mais un peu aussi dans le passé. Et je parle bien ici de sucrose ou de saccharose, le sucre sucré et non pas l'amidon. Je parle vraiment du sucre pour se gâter, pour les desserts et tout ça, les bonbons puis les autres choses taboues du genre. Donc, vraiment, le sucre sucré et pas, disons, le riz, ces trucs-là. Ou les patates, c'est ça. Donc, alors, commençons par le Québec, Philippe. À part le sirop d'érable, est-ce qu'il y a d'autres manières de produire du sucre au Québec? Pas énormément, disons. Il faut dire que, qu'enseignement, le sirop d'érable, c'était presque la seule source réelle de sucre au Québec. Disons, avec si le miel, voulez, peut-être aussi? Oui, le miel de manière minoritaire. En fait, le miel est vraiment lié à l'agriculture beaucoup. Ouais. Là. Donc, aujourd'hui, on peut obtenir quand même le sucre de d'autres façons. Par contre, il faut savoir que le Québec, c'est pas vraiment un climat intéressant pour la majorité des productions sucrantes utilisées dans le monde, là. Donc, en plus du sirop d'érable au Québec, il est quand même possible de faire du sucre avec de la betterave sucrière dans une mesure un peu plus faible, les pommes, évidemment, et du maïs transformé, surtout. Donc, c'est pas mal les trois choses ici qu'on pourrait dire qui pourraient vraiment rentrer dans la production assez importante de sucre. Donc, la pomme, ça nous amène par contre à la Nouvelle-Angleterre parce que à l'époque, la production de pommes et de cidre, c'était vraiment une production très importante. Les gens avaient beaucoup de pommiers, ils faisaient beaucoup de pommes, et les bonnes pommes étaient utilisées pour son sucre et son goût en tant que fruit entier. Mais les mauvaises pommes, il faut dire que, en fait, petit détail au niveau du pommier, c'est que la majorité, en fait, s'il n'y a pas des manipulations génétiques ou du contrôle génétique qui est fait, lorsque vous plantez un arbre un pommier, la majorité du temps, ça donne des pommes qui sont pas très bonnes au goût. Okay. Donc, les gens de la Nouvelle-Angleterre, ce qu'ils faisaient, c'est que quand ça a du sucre, mais c'est pas très bon goût, ben on fait de l'alcool. Donc, ils mettaient ça dans un tas, ils faisaient du cidre avec ça. Donc, le cidre, et ensuite du vinaigre de cidre. Le cidre, c'était très, très, très important. C'était la version alcoolisée du jus de pomme. Mais j'avais aucune idée qu'on pouvait faire du sucre à partir de pommes, par exemple. En fait, il y a beaucoup... La pomme est un des fruits les plus sucrés disponibles, en fait. Okay. Donc, si vous évaporez le jus de pomme, vous obtenez quand même une quantité non négligeable de sucre. Là. Et même en Nouvelle-Angleterre, en fait, il n'y a pas qu'avec le jus de pomme qu'on fait de l'alcool, non? Non, c'est ça. Il faut dire que toutes les productions sucrantes dans le monde ont un alcool lié au sucre. C'est ça. Donc, ça va toujours un et l'autre parce qu'on a besoin de sucre pour faire de l'alcool. C'est ça. Donc, le vin pour les raisins, le whisky ou le bourbon, là, je veux pas que les snobs de whisky m'appellent pour savoir si je me suis mélangé de le whisky ou le bourbon, mais ça utilise entre autres du maïs, le cidre pour la pomme, l'hydromel pour le miel, puis il y a bien sûr le rhum qui est fait à base de canne à sucre. Donc, parlant de canne à sucre, on peut surtout pas passer par-dessus la canne à sucre si on parle de sucre. La canne à sucre, c'est la reine du sucre. C'est la canne à sucre qui a été très importante pour toute l'histoire coloniale et l'esclavage utilisé pour sa production. Et même si on associe, en fait, la canne à sucre avec les Caraïbes, de nos jours, c'est vraiment le Brésil, l'Inde et la Chine qui dominent maintenant la production mondiale de canne à sucre. Il faut dire que la canne à sucre, c'est une des plantes les plus cultivées au monde en surface. Et ce serait, en fait, une des plantes les plus efficaces à transformer l'énergie du soleil en biomasse, qui est quand même une chose intéressante. La canne à sucre, en fait, c'est plus comme une herbe, en fait. C'est vraiment, ça pousse par le bas plutôt que pousser par le haut. C'est un peu ce qui fait la différence entre une plante normale et une herbe. Et si on compare, dans le fond, les rendements possibles avec la canne à sucre et ceux qui sont possibles avec le sirop d'érable, on comprend vraiment pourquoi le sirop d'érable, c'est un produit de luxe minoritaire. La production de sirop d'érable, c'est d'une inefficacité désespérante au niveau de la production par hectare. Là. Oui, Donc, on pourrait pas sucrer le monde entier avec des arbres à sucre d'érable. Mais déjà qu'il faut faire bouillir la sève. Oui, c'est ça. Ça donne quelque chose de pas très concentré. Ça n'en donne pas beaucoup par hectare. C'est un petit peu... C'est vraiment pas efficace. C'est vraiment pas efficace, effectivement. La canne à sucre a besoin d'un climat tropical ou subtropical. Est-ce qu'il y a d'autres climats qui se prêtent bien à ces cultures? Oui, il y en a un autre. C'est le climat tempéré d'Europe et de Californie, qui sont particulièrement propices à la betterave sucrière. C'est aussi relativement propice aux raisins, mais pas dire dans la même lignée. Pensez un peu plus frais que, mettons, l'Italie et la Californie relativement chaude, un petit peu plus frais que ça. Donc, on parle plutôt du climat de la France, de la Russie, de l'Allemagne, de l'Ukraine, des trucs comme ça. La betterave sucrière, ça représente quand même 20% de la production mondiale de sucre. En passant, la canne à sucre, c'était genre 75%, 80%. Okay. C'est pas mal ça. Fait intéressant, c'est que la production de betteraves sucrières est assez récente et elle a commencé bien après la conquête des territoires sud-américains. Donc, lorsqu'on a conquis les Caraïbes, tout ça, la notion d'avoir du sucre blanc pour son thé ou son café, ça passait par les Caraïbes. Mais c'est venu après, dans le fond, les guerres napoléoniennes, en fait, que les gens ont commencé à faire de la production de betteraves en Europe. Donc, la production de canne à sucre, c'était déjà bien installé quand ils ont commencé à se rendre compte du potentiel de la betterave sucrière. Et je pense qu'il aurait été possible, en fait, que le cours de l'histoire soit bien différent si cette production avait commencé avant l'âge de l'esclavage, parce qu'on n'aurait pas eu besoin d'avoir tous ces territoires-là. Peut-être que la France n'aurait pas donné le Québec pour avoir les Caraïbes et ses cannes à sucre s'ils avaient eu, par exemple, des betteraves sucrières à la maison. Genre de choses qui auraient pu changer. Mais le sucre blanc qu'on ajoute dans le café, par exemple, c'est une chose, mais qu'en est-il du sucre dans les aliments transformés? Ouais, là, ce sucre-là, ça rentre un petit peu dans les trucs un peu moins conventionnel, un petit peu plus nouveau. C'est principalement fait à partir de maïs, et qui dit maïs dit Midwest américain, le royaume incontesté du maïs. La production de maïs dans cette région-là, ça bat des records de productivité par surface, là, grâce à la sélection génétique, l'automatisation, l'utilisation généreuse d'engrais, hein, soyons honnêtes, et donc de pétrole. Le maïs qui est principalement, disons, poussé dans cette région-là, il n'est pas comestible directement à cause de la coquille très dure qui entoure le grain. Donc, lorsque vous voyez un champ de maïs sur le bord de l'autoroute, une très forte chance que si vous ouvrez un épi et que vous tentez de le mâcher, vous allez être vraiment très très déçu parce qu'il va en sortir, parce que ça sera pas un maïs sucré, ça va pas être un maïs dont les grains vont être doux et facilement croquables, ça va être vraiment très dur. Mais est-ce qu'on pourrait donner à des animaux ou Même encore là, plus ou moins directement. C'est vraiment fait pour la transformation. C'est vraiment un maïs qui inclut une transformation dans son concept. D'ailleurs, la canne à sucre aussi a besoin d'une transformation relativement poussé là, pour donner son jus. En fait, c'est qu'on extrait le jus, on le filtre, on le purifie, il faut le blanchir, il y a quelques étapes, et dans tout ça, il y a de la mélasse qui est produite, etc. Ouais, okay. En fait, dans ce contexte-là, je crois que le sirop d'érable est probablement la forme de sirop qui demande le moins de transformation, parce que c'est juste... On fait juste une ébullition, on fait juste le concentrer, en fait. C'est juste que ça donne c'est juste 3% de sucre dans 97% d'eau, que le jus de la canne à sucre est beaucoup plus concentré, là. Donc, lorsqu'on obtient du maïs, il faut défaire ces coquilles-là, il faut le réduire le tout en farine pour extraire l'amidon du maïs. Okay. Donc, à partir qu'on a de l'amidon du maïs, qui est une poudre blanche, c'est là que toute la magie du maïs commence. Mais ensuite, il faut faire des interventions de réaction enzymatique pour faire le fameux high fructose corn syrup, qui est un analogue, en fait, du sucre blanc. Pas analogue dans le sens de son apparence, parce que c'est un sirop liquide, mais chimiquement, ça se ressemble énormément. On a parlé un peu plus tôt de la différence entre le sucrose, le glucose et le fructose. Il faut savoir que le sucrose, ce n'est que du glucose et du fructose qui sont liés ensemble. C'est ça. Donc, c'est quasiment, en fait, la même chose deux fois, là. Si vous avez des blocs Lego, c'est comme si vous aviez des morceaux rouges et bleus, et après ça, vous aviez des morceaux rouges tout seul et bleus tout seul. C'est ça. Donc, le sirop de maïs riche en fructose, ce sont les deux molécules séparées, le fructose et le glucose. Uh-huh. Et lorsqu'on l'ajoute à des aliments transformés, ça sucre les aliments sans nécessairement avoir la texture justement cristalline et blanche. C'est ça. Mais parlons-en de ce fameux sirop de maïs qui est enrichi en fructose, mais qui est aussi souvent pointé du doigt de nos jours, en fait. Qu'est-ce qu'on lui reproche, en fait, à ce sirop de maïs? Mais ce pauvre sirop de maïs-là, il n'a rien fait de mal à part avoir été ajouté dans tout et n'importe quoi grâce à son prix vraiment très, très bas. Uh-huh. Il faut savoir aussi que l'industrie du maïs aux États-Unis est extrêmement subventionnée. Ouais, en fait, c'est un petit peu anormal que la production de maïs américaine soit moins chère que la production de canne à sucre au Brésil. Mais en fait, c'est qu'il impose aussi énormément de taxes d'importation au niveau de la canne à sucre. Okay. Donc, ça favorise effectivement... Ça favorise la production de maïs aux États-Unis. Et donc, ils mettent ce sirop de maïs-là à peu près dans n'importe quoi parce que c'est extrêmement peu cher. Et si on revient à fond à notre bon vieux sirop d'érable, c'est que ça change un petit peu le rôle de qu'est-ce que le sirop d'érable est. Quand on parle de la canne à sucre, quand on parle de la betterave sucrante ou même du maïs, on parle vraiment de production de sucre à grande échelle qui est inclus dans tous les aliments, tout ça. Alors que le sirop d'érable, c'est vraiment comme un petit ajout, c'est un petit à côté, c'est un petit plus. C'est oui, un... puis c'est parfumé aussi, contrairement c'est exactement, c'est aux pas autres neutre. Ben oui, c'est ça qui goûte rien. En fait, donc, les personnes pour être dans l'industrie alimentaire pourraient vraiment utiliser en masse le sirop d'érable parce que ça augmenterait, ferait exploser le prix de leurs produits. Imaginez des Frosted Flakes au sirop d'érable, mais pas juste les arômes, mais utiliser du sirop d'érable comme matière première, c'est absolument ridicule. Donc, mais lorsqu'on invite les gens à manger un petit peu moins sucré, dans le fond, moi, je vous invite à, si vous avez à manger du sucre, ben, à manger du sirop d'érable. Mm-hmm. Parce que vous allez éliminer les sucres dans votre alimentation des produits transformés. Et lorsque vous allez manger du sucre, vous allez manger du sucre de manière active. Vous allez manger le meilleur sucre au monde, qui goûte probablement le meilleur. Et dans le fond, ça va faire attention à votre consommation de sucre total, mais lorsque vous allez en consommer, ça va être complètement fabuleux. Oui, et les gens vont pouvoir le déguster davantage. Exactement. Alors, merci Philippe pour ce tour du monde des sucres. Merci. Et vous êtes toujours sur CKRL 89.1. On va faire une pause musicale et ensuite on vous parle de la maladie du sirop d'érable.